الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 7 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin, qui est le charh de Kitab al-Tawhid. Et c'est le charh du Cheikh Abdurrahman. Non, c'est le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan. Donc il dit waqa'a wa qad waqa'a al-akthar min muta'akhir hadhihi al-umma fi hadha ash-shirk alladhi huwa a'zam al-muharramat kama waqa'a fi al-jahiliyyah qabla mab'ath an-nabi sallallahu alayhi wa sallam عبد القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن كما عبد هؤلاء اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان واتخذوا هذا الشرك دينا ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que beaucoup d'entre ceux qui sont venus après dans cette ummah sont tombés dans ce shirk, c'est-à-dire le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le shirk, c'est la chose qui fait partie des pires interdictions, des plus grandes choses qui ont été interdites. Comme les gens, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la jahiliya, sont tombés dans le shirk eux aussi. Et donc, on a vu apparaître l'adoration des tombes, l'adoration des tombeaux, l'adoration des morts, l'adoration des arbres et des pierres, l'adoration des tawarit, des shayatin et des djinn. De la même manière que les mushrikin dans le passé avaient adoré les idoles comme Al-Lat et Al-Uzza, Manat et Hubal, et d'autres également parmi les idoles que les mushrikin adoraient avant l'islam. Et donc, ils ont pris le shirk comme religion et ils se sont enfuis du tawhid et de ceux qui appellent au tawhid, se sont enfuis complètement de ça, de l'appel au tawhid. Donc, quand ils entendent parler du tawhid, ils fuient, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre. Et c'est des réalités parce que l'adoration des tombes et des morts, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'imaginaire. Pas quelque chose qui fait partie de l'imaginaire, c'est des choses réelles. C'est des choses qui se produisent et qui existent encore aujourd'hui dans les pays musulmans, malheureusement. Et même dans les pays non musulmans, ça n'a même pas besoin de le mentionner, mais dans les pays musulmans, on retrouve ça aujourd'hui, c'est un fait. Et je me souviens quand je suis converti à l'islam au début, dans les premières années de ma conversion à l'islam, et que je lisais les traductions de certains livres qui ont été écrits par les ulama au sujet du tawhid, par exemple, les livres de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres ulama. Donc, les traductions dans le passé étaient parfois des traductions qui étaient faites par des linguistes ou des spécialistes dans la traduction, qui sont des traducteurs arabes, mais qui ne sont pas spécialisés dans la religion. Donc, quand ils font la traduction de livres religieux, ils traduisent sans vraiment comprendre le sujet, parfois. Et donc, ils traduisent d'une manière qui est un peu carrée et boiteuse. Ils traduisent les choses de façon littérale, sans comprendre l'esprit du texte ou le contexte de ce qui est expliqué. Et c'est pour ça que parfois, en lisant ces traductions-là, on voyait qu'ils parlaient de gens qui adoraient les tombes, mais ils n'expliquaient pas ça d'une façon claire. Alors, on s'imaginait que c'est des choses qui font partie du passé, que ce sont des choses dont les gens ont parlé dans le passé, qui se produisaient avant, mais qui ne sont plus présentes actuellement, ou qui n'existent plus actuellement dans la Oumma. Par la suite, j'ai regardé dans des études et des écrits qui ont été faits dans différents pays musulmans, au sujet de qu'est-ce qui se passe dans certains pays comme adoration des saints, adoration des tombes, adoration des morts et que ce sont des choses qui existent en, aujourd'hui encore et qui sont pratiquées dans les pays musulmans. Dans certaines mosquées, il y a des tombes à l'intérieur. Il y a des tombes dans, des, dans certaines mosquées, il y a des tombeaux à l'intérieur. Hein? Certaines personnes ont été enterrées à l'intérieur de certaines mosquées. Et parfois, c'est des tombeaux, des mosquées qui ont été construites sur des tombes. Et les gens vont dans ces lieux-là pour faire des pèlerinages, pour faire des toutes sortes d'adorations. Donc, c'est des choses que... Yani, je n'aurais pas pu imaginer que ces choses-là existaient parmi les musulmans. Ou concevoir même que ces choses-là pouvaient exister parmi les musulmans. Et donc, quand j'ai lu les livres sur le tawhid au début, je pensais que c'est des choses qui n'existaient pas réellement, que c'était des choses dont les gens parlaient, des choses qui étaient du passé, et non pas des choses actuelles. Toutefois, j'ai compris par la suite que c'était des réalités, et que c'est des choses qui existent effectivement dans, beaucoup, dans la plupart des pays musulmans, malheureusement. Et donc, j'ai compris que l'importance donc, d'enseigner aux musulmans le tawhid et de leur faire comprendre la réalité du tawhid, c'est fondamental et c'est une priorité. Et c'est pour ça que les ulama de Ahl-Sunnah, ils donnent à, à ces explications-là et à cet enseignement-là la priorité dans la religion. Et donc le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ces points-là qu'on vient de mentionner. Il dit « وَقَعَ أَكْثَرُ الْمُتَأْخِرِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي عِبَادَةِ الْقُبُورِ وَدُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ وَالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَعَادُوا إِلَى الشِّرْكِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوَّلُ مَنْ دَسَّ الشِّرْكُ فِي الْإِسْلَامِ الشِّيعَةُ الْبَاطِنِيَّةِ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى بِلَادِ الْمَغْرِبِ وَمِصْرِ وأقطاع كبيرة من بلاد المسلمين فبنوا المشاهد على القبور وأسرجوها ونمقوها وزخرفوها حتى افتتن الناس بها وتعلقوا بها وصاروا يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى ودسوا عليهم الشرك في قابل محبة الصالحين وتعظيمهم وسموا هذا توسلا ومحبة وتعظيما للصالحين فوقع الشرك في هذه الأمة من حين ذلك الوقت. Donc le cheikh Al-Fawzan explique que la plupart d'entre ceux qui sont venus après dans la Ummah, qui sont venus après, c'est-à-dire après les premiers siècles et par la suite, hein, jusqu'à notre époque, beaucoup d'entre eux sont tombés dans l'adoration des tombeaux, l'adoration des morts et l'invocation d'autres que Allah et le fait de faire des sacrifices et des offrandes et des vœux pieux à autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc revenus au shirk qui existait dans l'époque pré-islamique. Et les premiers qui ont introduit dans cette ummah et dans la religion de l'islam, les premiers qui ont fait infiltrer ou introduire du shirk parmi les musulmans dans cette umma sont les shi'as, en particulier al-Batiniyoun. Et al-Batiniyya sont une parmi les sectes des shi'as qui sont appelées des ésotériques. C'est comme ça qu'on les appelle Batiniyya. Al-Batiniyya vient du mot batin. Batin qui veut dire qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Et parce que ces gens-là ont une idée, c'est que dans la religion, tout ce qui est dans le Coran, il a un sens caché. Et que c'est seulement eux, ou ceux qui ont été initiés à leur secte ou à leur fausse croyance, c'est seulement eux qui le comprennent, ce sens-là qui est caché. Donc le sens qu'on lit dans le Coran, quand on lit le Coran, c'est seulement le sens apparent. Donc ils disent, vous ne comprenez que le sens apparent. Ça veut dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba, et les ulama de l'islam, et les fuqaha, eux, ils ne comprennent que le sens apparent du Coran. Nous, nous sommes les gens du batin. Nous comprenons le sens caché de la révélation, et qu'est-ce qui est voulu dans les secrets et les mystères de la révélation. Donc, le tawhid d'Allah, ça ne veut pas dire le tawhid. Et les anges, ça ne veut pas dire les anges. Et la salat, ça ne veut pas dire la salat. Et le jeûne, ça ne veut pas dire le jeûne. Et le hajj, ça ne veut pas dire le hajj. Hein? Et la purification, ça ne veut pas dire la purification. Et le wudu, ça ne veut pas dire le wudu. Hein? Et ainsi de suite. Donc pour eux, tout ce qui est mentionné dans le Coran, il a un autre sens que seuls eux peuvent comprendre et personne d'autre connaît excepté eux. Et ils déforment la réalité de la religion et la réalité de l'islam. Et ces gens-là, ils ont pris en dehors d'Allah, Ali, radiallahu anhu, ainsi que ses descendants, comme des divinités en dehors d'Allah. Et ils ont construit sur leurs tombeaux et sur les tombeaux de leurs imams après eux, des mausolées et des mosquées et des lieux de culte dans lesquels ils vont pour faire du shirk et pour les adorer en dehors d'Allah. Et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve ça parmi les Rafidah, hein, en Iran et en Irak, la tombe de Ali radiallahu anhu à Najaf et la tombe de Hussein à Karbala et les autres imams, parmi les 12 imams qu'ils ont, et les Batiniyoun comme les Ismaïliyah, eux ils ont les 8 imams, hein, parce qu'entre les Shia, il y a des divisions, il y a des sectes. Et certains d'entre eux se sont divisés par rapport au nombre des imams après Ali radiallahu anhu. Certains se sont arrêtés à 8, comme les Ismaïliyah, et d'autres se sont arrêtés à 9, d'autres se sont arrêtés à 10, d'autres se sont arrêtés à 11, et d'autres se sont arrêtés à 12. Et donc, à cause de ça, ils se sont tous divisés en différentes sectes. Il n'y a pas un groupe parmi les musulmans dans lequel il y a plus de divisions et de sectes que la secte des Shia. Donc quand tu parles des Shia, tu ne parles pas d'un seul groupe ou d'une seule secte. En réalité, c'est des centaines de sectes. Hein? Et parmi ces sectes-là, celle qui a le plus grand nombre, hein, c'est la secte des Ithna Ashariya, les 12 imams. Mais parmi les Shia, il y a aussi d'autres groupes et d'autres sectes qui ont des croyances encore plus extrémistes que la secte des Rafida. Et parmi ces sectes-là, la secte des Batiniya, les ésotériques comme les Nusayriya, les Druzes et aussi les Ismaïliya. Et parmi les Ismaïliya, même il y a différentes sectes aussi. Il y a les Ismaïliya al-Buhara et il y a les Agakhaniya, ceux qui suivent Agakhan. Et il y en a d'autres encore. Hein? Et ils ont tous des divergences entre eux. Donc, à un certain moment donné, ces Ismaélites ont pris le pouvoir dans certains pays musulmans. Ils ont réussi à faire des coups d'État et à tuer les gens qui étaient au pouvoir et à se mettre à leur place et à installer leur gouvernement dans beaucoup de pays musulmans. À une certaine époque, c'est eux qui dirigeaient et qui régnaient le monde musulman, imaginez. Donc en Égypte, ils ont installé la dynastie qu'ils ont appelée la dynastie des Fatimiyya, Al-Fatimiyya, parce qu'ils prétendent revenir à Fatima, radiallahu anha. Et dans le nord de l'Afrique, et en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, hein, au Yémen, et dans d'autres contrées également, ils ont installé d'autres dynasties comme ça aussi, comme les Ubaydiyya. Si vous étudiez la dynastie des Ubaydiyoun, vous allez voir, ce sont des gens aussi parmi les Shia al-Batiniya. Eux aussi, ils ont pris le pouvoir dans ces pays-là, ils se sont installés dans ces régions-là, et c'est à leur époque qu'on a vu proliférer et se propager toutes sortes d'innovations et de bid'ah dans les pays musulmans. Et c'est donc eux qui ont introduit dans les pays musulmans, dans le Maghreb, en Égypte et ailleurs, la construction des mausolées et des mashahed sur les tombeaux et le fait de les éclairer et de les embellir et de les décorer. Et beaucoup de gens donc ont commencé à être éprouvés par ce genre de tentation et cette fitna. Ils se sont donc accrochés aux tombes et aux tombeaux et ils ont même commencé par la suite à les adorer en dehors d'Allah et à les invoquer en dehors d'Allah. Et donc ils ont introduit chez les musulmans le shirk et ils ont essayé de faire passer ça chez les gens et chez le commun des musulmans comme étant de l'amour pour les pieux et du respect envers les pieux. Donc quand les gens voyaient ça, ils disaient, mais nous, on est en train de montrer notre amour et notre respect envers les salihin. Hein? C'est pas pour faire du shirk, on fait pas de shirk, c'est du tawassul. Hein? Ils ont dit c'est du tawassul. Et le tawassul, hein, c'est un terme qui signifie de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah et pour plaire à Allah. Et donc, ils pensent que par le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en passant par un homme pieux ou par un saint, que c'est quelque chose qui va permettre que leur invocation, que leur invocation soit acceptée d'Allah plus facilement. Hein? Sauf que, en réalité, c'est de prendre entre nous et Allah un intermédiaire dans l'invocation. Hein? Et ça, c'est du shirk également. Donc, si quelqu'un il invoque un mort ou un prophète, parmi les prophètes, on sait que les prophètes, par exemple, comme Isa alayhi salam ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou Isa sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres prophètes, on n'a pas le droit de les invoquer en dehors d'Allah. Et si on les invoque en dehors d'Allah, c'est du shirk. Donc, eux, pour essayer de couvrir ça, ils ont essayé d'appeler ça par un autre nom. Ils ont dit, c'est pas du shirk, c'est du tawassul. Hein? Alors que, yani, même si tu changes le nom de quelque chose, ça ne change rien à sa réalité. Ba'da nisf sa'a, inshallah. Donc, ils ont essayé de déformer la réalité pour essayer de faire accepter aux gens que d'adorer autre que Allah et de prier des morts et des tombes et des saints et des hommes pieux, que ça, c'était pas du shirk. Ils l'ont appelé tawassul. Hein? Et là, ils ont dit, ça c'est de l'amour, ça c'est du respect, c'est pas du shirk. Donc, de cette manière, beaucoup de gens parmi les musulmans sont tombés dans le shirk sans même le réaliser, sans le comprendre, sans le savoir. Donc, il y a une risale qui a été écrite par le cheikh Abdussalam ibn Burjis. Ça s'appelle At-Tawassul al-Mashru' wa At-Tawassul al-Mamnu'. Et j'ai fait l'explication de cette petite risale, de ce petit livre du cheikh Abdussalam ibn Burjis. Le tawassul qui est licite et le tawassul qui est illicite, et je l'ai expliqué avec les preuves et les explications. C'est vraiment important de bien comprendre ce sujet-là, parce que les soufis, ils se basent beaucoup sur ça pour essayer de justifier le fait de prier à des prophètes ou de prier à des hommes pieux, et d'essayer de justifier ça en disant que c'est pas du shirk. La clarification et la réfutation de ça, elle est détaillée dans ces cours-là sur le site. En ce qui concerne l'autre partie de qu'est-ce que le cheikh Abdurrahman ibn Hassan a dit, que beaucoup de musulmans sont tombés dans le shirk comme le faisaient les gens dans la jahiliya avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Fawzan, il dit, la farq bayna shirki ha'ula al-muntansibin lil-islam wa bayna shirki ahli al-jahiliya, li'annahu kulluhu ibadatun li ghayrillah سبحانه وتعالى وما كان عبادة لغير الله فهو شرك سواء كان المعبود قبرا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو حيا أو ميتا. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit, il n'y a pas de différence entre le shirk de ceux qui se disent musulmans et le shirk des gens de l'époque pré-islamique. Hein? Parce que beaucoup de gens, par exemple, parmi les musulmans qui adorent des tombes, qui adorent des saints, ils disent, mais comment tu peux dire de nous qu'on est des mouchriquines, alors que nous, on n'adore pas une statue. Les mouchriquines, avant l'islam, ils adoraient des statues. Nous, on n'adore pas des statues. On fait des doigts et on montre notre amour et notre respect envers les prophètes et les hommes pieux. Et ça, ce n'est pas des idoles. Hein? Donc, vous voyez comment ils n'ont pas compris la réalité du shirk. Ils n'ont pas compris la réalité de ce que signifie le shirk. Et donc, ils pensent que parce que l'objet de leurs adorations et le fait d'offrir ces adorations-là à autre qu'à une statue, que ça fait en sorte que ce ne soit pas considéré comme étant du shirk. Alors que ce n'est pas vrai. Hein? En réalité, il n'y a pas de différence entre ce qu'ils font, eux, et ce que les mouchriquins de l'époque pré-islamique faisaient. Les deux sont du shirk et les deux sont équivalents, parce que le shirk, c'est le fait d'offrir à quiconque ou toute autre chose que Allah une forme quelconque d'adoration. Donc, si tu fais des du'as pour autre que Allah, ou tu fais des sacrifices pour autre que Allah, peu importe la chose, peu importe la personne, ça c'est considéré comme étant du shirk. Et yani, donc, c'est quelque chose qui rentre dans le shirk et c'est de l'adoration pour autre que Allah. Peu importe que la chose que tu adores en dehors d'Allah soit une tombe, ou que ce soit un arbre, ou que ce soit une pierre, que ce soit une statue, ou que ce soit quelqu'un qui est vivant, ou que ce soit quelqu'un qui est mort. Hein? Quelqu'un, par exemple, qui adore une personne qui est vivante, comme chez les soufis, par exemple, qui adore leur cheikh, et qui se prosterne devant leur cheikh, hein, et qui le craignent, et qui l'aiment comme on aime Allah, eh bien, ils disent, nous, on n'adore pas une idole, on n'adore pas une statue, on ne prie pas à un mort, hein, notre cheikh, on l'aime, il est vivant. Et donc, ils ne réalisent pas que qu'est-ce qu'ils font, c'est du shirk. Et la condition pour que quelque chose soit shirk, ce n'est pas nécessaire que ce soit une statue. Ce n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose qui soit sculpté ou gravé, hein, ou formé dans une forme humaine ou animale, comme les hindous par exemple, ou les bouddhistes qui se prosternent devant la statue de Bouddha, ou bien les hindous qui se prosternent devant les statues de Vishnu, ou de Rama, ou de Shiva, ou de Lingam, ou d'autres parmi les Ganesh ou autres parmi les divinités qu'ils ont, parce qu'ils ont des milliers d'idoles et de statues, eh bien, ce n'est pas une condition que ce soit une statue comme ça. Hein? Même si quelqu'un il invoque un djinn qu'il ne le voit même pas, hein? Comme par exemple, il y a des gens qui sont des animistes, ils prient à des esprits, à des choses invisibles. Ils n'ont pas de statue. Ils prient à des esprits, à des djinns, hein, en dehors d'Allah. Est-ce que tu vas dire que parce qu'ils ne prient pas à une statue, ce ne sont pas des mouchriquins? Non, ce sont des mouchriquins. Même s'ils ne prient pas à une statue. Parce que quiconque offre une adoration à quelque chose en dehors d'Allah, c'est du shirk. Même si la chose qu'ils invoquent en dehors d'Allah est invisible. Même si la chose qu'ils invoquent en dehors d'Allah n'est pas yani palpable, hein, n'est pas visible ou palpable ou quelque chose de concret. Donc, ça c'est important à comprendre. Ensuite, il explique, Cheikh Al-Fawzan, la suite de qu'est-ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a dit, du fait qu'il mentionne le fait que ceux qui adorent les tombes et les arbres et les pierres et les tawarit et les djinns sont la même catégorie ou rentrent dans le même shirk que ceux qui adorent Al-Lat, Al-Uzza, Emanat et Hubal parmi les adorateurs des idoles. Et qu'ils ont fait de ce shirk leur religion. Cheikh Al-Fawzan dit اتخذوا تعظيم الصالحين دينا وقالوا هذا هو الإسلام فلبسوا على الناس بلباس تعظيم الصالحين وإكرام الصالحين ولا يسمونه شركا. Donc ils ont pris le respect envers les hommes pieux, ce qu'ils appellent le respect envers les hommes pieux, c'est-à-dire de les adorer en dehors d'Allah, ils ont fait de ça leur religion. Et ils ont dit c'est ça l'islam. Hein? Ils ont dit c'est ça l'islam. Et donc ils ont trompé les gens. Ils ont mélangé et confus les gens dans la religion en leur faisant passer, hein, l'adoration des hommes pieux et le fait de respecter les hommes pieux. Eux, ils appellent ça le respect et l'honneur des hommes pieux et ils refusent donc de l'appeler shirk. Mais la réalité, c'est que c'est du shirk. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans certaines parties du monde? Par exemple, je peux vous donner un exemple par rapport à qu'est-ce qui s'est fait chez les chrétiens en Haïti. Beaucoup d'esclaves qui ont été pris d'Afrique, parmi les esclaves qui ont été ramenés en Haïti, beaucoup d'entre eux ont été forcés à se convertir au christianisme, et en particulier à la religion catholique. Hein? Donc ceux parmi les esclaves qui étaient autre chose que catholiques, ils étaient tués. Donc ils étaient obligés de se convertir à la religion catholique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une ruse pour essayer de continuer à pratiquer leur fausse religion qu'ils pratiquaient auparavant. C'est qu'ils ont attribué à chaque image ou à chaque saint catholique une identité ou une divinité parmi les divinités vaudou. Hein? Donc, ça veut dire que quand ils prient à, par exemple, Saint-Marc, ben, pour eux, Saint-Marc, ça représente une loi parmi les lois vaudou. Quand ils prient à Saint-Jude, ça représente une autre loi parmi les lois vaudou. Donc, quand les prêtres catholiques ils voyaient les esclaves en train d'adorer les saints catholiques, eux, les prêtres, ils disaient, ah, regardez, ils sont des bons catholiques. Alors qu'en réalité, eux, ils sont en train de prier les lois vaudou en les représentant par ces images de saints catholiques. Donc, c'est comme s'ils ont introduit dans la religion catholique la croyance et les pratiques vaudou, ils les ont mélangées ensemble. Hein? Donc, beaucoup de gens parmi les peuples qui ont accepté l'islam, certains peut-être parmi eux sont devenus musulmans, mais ils ont voulu prétendre garder leur croyance pré-islamique et les camoufler par des pratiques qu'ils appellent islamiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit dans l'islam la prière aux tombes et aux morts et aux saints. Et ils ont fait croire aux gens que ça, c'est des pratiques musulmanes, islamiques, alors qu'en réalité, c'est un moyen de continuer à pratiquer le shirk et leurs croyances pré-islamiques. C'est pour ça que les ulama de Ahl-Sunnah, ils ont combattu ces pratiques-là. Et ils ont expliqué, clarifié la réalité de la da'wah des prophètes et des messagers, c'est-à-dire le fait d'appeler à rejeter et à renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, et à vouer un culte pur et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et donc, ensuite, le Cheikh, il explique la parole du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan quand il dit que ces gens-là, ils ont fait fuir les musulmans de ceux qui appellent au Tawhid. Hein. Ils leur font peur de ceux qui appellent au Tawhid et ils les font fuir de ceux qui appellent au Tawhid en disant, ah, ceux-là, c'est des extrémistes. Hein? Ceux-là, c'est déjà, ils n'aiment pas les hommes pieux. Ils n'aiment pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour eux, si tu adores pas les hommes pieux, si tu adores pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en dehors d'Allah, ça veut dire que tu les respectes pas et tu les aimes pas. Alors que c'est tout à fait le contraire. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, أبغضوا ما على هؤلاء القبوريين الدعوة إلى التوحيد لأن فيها إبطالا لما هم عليه وهم لا يريدون ذلك كما قال صلى الله سبحانه وتعالى في أسلافهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فإذا دعاهم مسلم إلى التوحيد قالوا هذا وهابي خارجي متشدد متطرف إلى آخر هذه الألقاب المنفرة عن دعوة التوحيد لأن التوحيد عندهم هو عبادة القبور ودعاء غير الله وما خالفه عندهم فهو شرك نسأل الله العافية هذا شيء معروف وموجود في كتبهم أنهم يحذرون من التوحيد ودعوة الرسل ويأمرون بالشرك صراحة ولكنهم لا يسمونه شركا وإنما يسمونه بأسماء مزخرفة ليغروا العوام والجهال بذلك. Donc le Cheikh il explique que ce que les gens qui adorent les tombes détestent le plus, c'est les gens qui appellent au tawhid. Il n'y a personne que ces gens-là détestent plus au monde que les musulmans qui appellent au tawhid parmi les ulama d'Ahl-Sunnah. Et ils les détestent plus que les juifs, et plus que les chrétiens, et plus que les koufars. Même parfois, ils aiment les juifs et les chrétiens, mais ils détestent les musulmans qui appellent au tawhid et à la sunnah. Pourquoi ils les détestent? Parce que dans l'appel au tawhid, il y a la destruction et l'anéantissement de leurs croyances et de leurs pratiques, hein, et du shirk qu'ils font. Et eux, ils ne veulent pas ça. Donc, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de leurs prédécesseurs parmi les mushrikines, dans le verset 45 dans Surat Az-Zumar, Et lorsqu'on mentionne Allah exclusivement, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se remplit de dégoût. Hein? Parce qu'ils détestent qu'on mentionne Allah seul. Et lorsqu'on mentionne d'autres avec lui, c'est-à-dire d'autres en dehors de lui, en dehors d'Allah, les voilà qui se réjouissent. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Le cœur des mouchriquines se remplit de dédain, de dégoût, quand on mentionne Allah seul. Mais lorsqu'on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Ils se réjouissent. Hein? C'est comme les chrétiens. Si tu adores Allah seul, tu leur dis non, il ne faut pas prier à Jésus, il ne faut pas prier à Marie, il ne faut pas prier aux saints, il faut prier juste à Allah. Tu les vois qui s'énervent, qui se mettent en colère. Non, il faut prier par Jésus, il faut passer par Marie, il faut passer par les saints. Ils ne veulent pas que tu adores Allah seul. Hein? Comme si Allah, il n'est pas suffisant pour eux. Il faut prier d'autres. Hein? Si tu adores que Allah, c'est du coffre pour eux. Si tu adores que Allah, c'est ça le shirk. Quand tu adores d'autres avec Allah, pour eux, c'est là que tu es sur le bon chemin. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le shaykh dit, donc, si un musulman appelle au tawhid, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ah, ça c'est un wahhabi, ça c'est un khariji, ça c'est un mutashaddid, hein? C'est un extrémiste, hein? Mutatarrif. Et donc d'autres termes qu'ils utilisent comme ça pour faire fuir les gens de ceux qui appellent au tawhid, parce que pour eux, le tawhid c'est l'adoration des tombes, c'est l'adoration des morts, c'est d'invoquer d'autres avec Allah. Et si tu les contredis dans ce qu'ils font, hein, et dans le shirk qu'ils font, ils disent, ah, lui c'est un égaré, c'est un extrémiste, c'est un wahhabi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ça c'est une chose qui est connue, et c'est présent même dans leurs livres. Parce que ceux qui appellent à ces idées-là, qui appellent à adorer les tombes et les morts, ils écrivent des livres pour ça. Hein? Imaginez, ils écrivent des livres pour défendre le fait d'adorer autre que Allah et de prier à autre que Allah, et de faire le shirk, et ils écrivent même des livres pour essayer de réfuter les ulamas qui appellent au tawhid et qui disent qu'il faut adorer Allah seul. Ils les réfutent en disant, hein, il faut adorer autre que Allah, et ceux qui appellent à adorer Allah seul sont des égarés, sont des kuffars, sont ci et sont ça. Ils disent, ce sont des kuffars, les wahhabis ce sont des kuffars, parce qu'ils ne respectent pas les hommes pieux, parce qu'ils n'aiment pas le prophète, parce qu'ils... Hein, et d'autres excuses comme ça. Yani, comment ils arrivent à tromper les gens et à déformer la réalité? Donc, ils mettent en garde contre le tawhid. Ils mettent en garde contre le fait, yani, d'appeler à la voix des prophètes. Et ils appellent et ils ordonnent explicitement aux gens de faire le shirk. Ils ordonnent aux gens de faire le shirk de façon explicite et claire. Sauf qu'ils ne l'appellent pas shirk. Ils l'appellent par d'autres mots et d'autres noms qui sont enjolivés et beaux, que les gens vont accepter. Je dis, ça, c'est pas du shirk. C'est du tawassul, c'est du respect, c'est de l'amour. Une fois, je suis allé voir un prêtre chrétien. Hein, et c'était quelque temps après que je me sois converti à l'islam. Un prêtre catholique, je suis allé, je lui dis, mais vous, hein, pourquoi dans les églises, vous avez mis les statues? Pourquoi vous mettez les images, les statues de Jésus, les statues de Marie, les statues des saints? Et vous vous mettez à genoux devant ces statues-là pour vous les adorer. Il a dit, non, on ne les adore pas, c'est juste le respect. C'est juste du respect. Hein? Donc, ils ont appelé l'idolâtrie, ils l'ont appelé respect. Le shirk, ils l'ont appelé respect. Hein? Et donc, c'est comme une façon de jouer avec les mots pour tromper les gens. Hein? Ils te prennent ton cerveau, ils te le renversent à l'envers, et puis ils te disent, voici, qu'est-ce que toi t'as compris? C'est le contraire. La vérité, c'est pas la vérité, c'est le faux. Et le faux, c'est pas le faux, c'est la vérité. Après, la personne, elle est complètement mélangée. Et surtout si c'est des gens comme ma grand-mère, malheureusement, qui est morte dans le shirk et dans le coffre, elle disait, c'est les prêtres qui nous ont dit que ça c'est un mystère, il faut l'accepter, on n'a pas d'autre choix. Et la vérité, on va la connaître au jugement dernier. J'ai dit, oui, mais grand-mère, ce sera trop tard. Au jugement dernier, ce sera trop tard pour comprendre la vérité. C'est maintenant qu'il faut la comprendre. C'est pas là-bas. Hein? Je lui expliquais. Puis elle refusait d'accepter. Elle dit, ah, nos prêtres nous ont dit ça. C'est ça qu'il faut accepter. Donc ils ont enlevé aux gens même la raison. Et ils les ont empêchés même d'utiliser leur logique et leur intelligence pour comprendre la vérité, en leur faisant croire que ces prêtres-là sont infaillibles, que ces prêtres, que ce pape, il est infaillible, que tout ce qu'il dit, que tout ce qui sort de sa bouche, c'est que la vérité. Et ils leur font confiance de façon aveugle, même quand ce qu'ils enseignent est en contradiction claire avec la raison et en contradiction claire avec les textes qui sont même dans leurs propres livres. Et ils disent à leurs fidèles, ne lisez pas les livres, ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas la comprendre. Mais c'est comme ça qu'ils font. Et tu vois aujourd'hui, parmi les gens de Bid'a, comme les Soufis et ces gens-là, ces gens de Bid'a, ils agissent de la même façon avec leurs fidèles. Tu ne peux pas comprendre le Coran, tu ne peux pas comprendre les hadiths, laisse ça. Suis qu'est-ce que le cheikh il dit. Le cheikh il connaît mieux que toi. Hein? Obéis à qu'est-ce qu'il dit et suis-le aveuglément. C'est lui qui est sur la vérité. Il connaît le secret d'Allah. Il connaît al-sirr, al-ilahi. Allah il lui a donné la lumière. Il a eu des émanations divines qui sont tombées de lui. Il a reçu la baraka de son cheikh ou de je ne sais pas de qui. Et puis il trompe les gens comme ça en les suivant aveuglément. Même dans qu'est-ce qui est shirk et dans ce qui est kufr. Et qu'est-ce qui est triste, c'est que beaucoup d'entre ces musulmans-là sont dans des pays parfois où ils ne connaissent même pas la langue arabe. Hein? Les gens qui sont en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui ne parlent pas l'arabe, ils ne font que comprendre la religion à travers l'explication de ceux qui ont étudié l'arabe et qui ont parfois des innovations ou des fausses compréhensions de la religion. Ou bien, ils sont des gens de l'Afrique du Nord, par exemple, ils ne connaissent pas la langue arabe, ils ne parlent que d'autres langues, comme les langues amazighes ou d'autres langues comme ça. Ils ne connaissent pas bien l'arabe. Et les gens qui leur enseignent sont des gens qui sont dans les bid'a ou dans toutes sortes de croyances, d'égarements. Et ils leur traduisent la religion d'une autre façon. Ils ne leur font pas comprendre la réalité. Et beaucoup d'autres peuples comme ça, chez les Indiens, les Pakistanais, c'est la même chose. Beaucoup d'entre ces gens-là, ils parlent ourdou, ou bien ils parlent d'autres langues, ils ne comprennent pas un mot de l'arabe. La même chose aussi avec les Turcs. Hein? Beaucoup de choses, la même chose avec les gens en Indonésie, en Malaisie et ailleurs. Si leurs cheikhs sont des gens de bid'a, c'est sûr que ceux qui les écoutent, ils vont suivre la bid'a aussi, parce qu'ils font confiance à ces gens-là. Et donc ils vont les suivre aveuglément dans tout ce qu'ils racontent. Hein, parce qu'ils ne connaissent pas la religion comme il faut et ils ne peuvent pas lire les textes d'eux-mêmes. Malgré que même chez les Arabes qui comprennent la langue arabe et qui ont étudié l'arabe, tu retrouves ces égarements-là chez eux aussi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes de Quraysh, qui étaient des purs Arabes, qui comprennent la langue arabe classique pure, la langue du Coran, ils la comprenaient, non seulement ils la comprenaient, ils la parlaient couramment. Et c'est dans leur langue que le Coran a été révélé, et malgré ça, ils ne croyaient pas, ils n'acceptaient pas la vérité. Le fait de connaître l'arabe, c'est pas quelque chose qui garantit la guidance. Quelqu'un peut connaître parfaitement l'arabe et malgré tout être dévié, ou être égaré. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des choses importantes à comprendre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera au prochain cours la suite, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.